Ustaz, darkness, one catapult. Ustaz, tu réussis, exploser les princes et vêtir, embrasse les vêtir, sortir de l'embrasse, trop vêtir. Nous rappe de son blason, passer une autre étape, taper dans les deux, c'est froid, et ces bitches vont nous attraper. Ustaz, d'être médiatisé, et ça dans l'immédiat, maîtriser nos flots jusqu'à être robotisé. Pouvoir charmer nos fans, charger nos femmes, d'or, charger notre arme, et décharger notre aide. Toujours prêt pour revenir quand j'ai des trachées. Arroser le but de prod, pas de boss. Si tu trouves un pas rose dans les tranchées. Crime qui t'attache, cache lâché. Pour les tâches, car dans mon groupe, ça mâche des moulins. Attention, ça risque de tâcher. Détachez-moi cette camisole, puis j'assassine ces drag queens. Ça pique comme les Steve McQueen. Le rap queen, quand je débarque, les psys se smack tous comme des queens. Mon groupe reste étanche pour pas coin dans la masse. Paré pour casser des hanches et laisser tes lombaires à la ramasse. Tu réfléchis trop sur des trucs. Ça pinaille trop en ce moment, le sang et tout, putain. Ça finira par arriver pour nous aussi. On s'attend de réussir, empêche au pouvoir posé, s'interposer, assister trop ménopausé, s'ouvrir les portes du succès, ça essaie de sucer, pour avoir tout luxe et qu'on est réjusté. On s'attend de réussir, empêche au pouvoir posé, s'interposer, assister trop ménopausé, s'ouvrir les portes du succès.